طيب وكمانس إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc on continue aujourd'hui le cours de l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim. Naam, c'est le cours 61 aujourd'hui. Et on continue donc avec les explications de Cheikh al-Islam. Il mentionnait dans le cours passé certaines choses qui ont rapport avec le fait de contredire et de se distinguer des exemples des kuffars et des mushrikines. Et on continue donc avec les explications des hadiths que le cheikh a cités. Il dit « وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف قال روى ابن المبارك هذا عن ابن لهيعة ولم يرفعه وهذا وإن كان فيه ضعيف وهذا وإن كان فيه ضعيف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد وكذا كان يقول أحمد وغيره. Donc le cheikh il cite un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans son sunan. Selon Qutayba, selon Ibn Luhay'a, selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui ressemblent ou qui imitent d'autres que nous ne sont pas de nous. Ceux qui imitent d'autres que nous ne sont pas de nous. N'imitez pas ou ne ressemblez pas aux juifs ni aux chrétiens. Car le salut des juifs, c'est de faire un signe avec le doigt, et le salut des chrétiens, c'est de faire un signe avec la main. Et il a été rapporté, donc ce hadith, comme on a dit, par l'imam al-Tirmidhi, et il est rapporté par Ibn al-Mubarak. Selon Ibn al-Luhay'a, Et il ne l'a pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une faiblesse dans le hadith. Parce que Ibn Luhay'a, c'est un des narrateurs qui est da'if. Ibn Luhay'a, c'était un des grands savants, un des grands ulama, et un des rapporteurs de hadith. Et qu'est-ce qui a été mentionné à son sujet? C'est que lui, c'est un savant de hadith qui écrivait ses hadiths. D'accord? Il écrivait les hadiths qu'il rapportait. Et quand il rapportait de ses livres, il était thiqa, il était authentique. Il était sahih. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un feu chez lui et ses livres ont brûlé. Par la suite, il rapportait ses hadiths de sa mémoire. Et il faisait des mélanges. Il rapportait les hadiths, mais avec des erreurs dedans ou des mélanges, à partir de ce moment-là, les ulama de hadith ont cessé de prendre ces hadiths comme étant authentiques. Et c'est pour ça que souvent, quand tu vas mentionner, par exemple, tu vas lire les hadiths, quand ils mentionnent Ibn Luhay'a, ils disent il est daïf. Il est daïf. Donc c'est pour ça. Sauf que, même si le hadith est daïf, le hadith en question qu'on vient de mentionner, il est daïf, mais il y a un autre hadith qui est authentique, qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Hudhayfa ibn al-Yaman, qui dit « Quiconque imite un peuple ou ressemble à un peuple est un des leurs. » Et donc, ce hadith-là, il vient confirmer celui qu'on vient de lire, et il vient le renforcer dans sa signification. Et donc, on peut l'utiliser pour supporter l'autre. D'accord? Donc, même si un hadith est parfois daïf, mais s'il y a un autre hadith qui a le même sens, qui vient authentique, qui le supporte, eh bien, on peut le mentionner comme, non pas comme preuve, mais comme, disons, comme pour supporter l'autre dans sa signification. Et donc, après avoir mentionné ça, Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit « قوله ليس منا من تشبه بغيرنا من عادة الشيخ استقصاء الأدلة في الموضوع الذي يتحدث فيه وهذا يدل على سعة اطلاعه فهنا أورد هذا الحديث وإن كان فيه ابن لهيعة وهو ضعيف فإن له ما يقويه فإن له ما يقويه فإذا كان لا يجوز التشبه باليهود وهم أهل كتاب فإن التشبه بغيرهم من سائر الكفرة يكون من باب أولى ففي الحديث تحريم التشبه بالكفار سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين لما يجر إليه التشبه بهم لما يجر عليه التشبه بهم من سريان أفعالهم وعاداتهم ومعتقداتهم القبيحة إلى المسلمين فكان هذا من باب سد الوسيلة فإن في ديننا من التعاليم والأحكام ما يغنينا عما عندهم. Donc le cheikh explique que lorsque Ibn Taymiyyah il cite le hadith qui dit ceux qui imitent d'autres que nous ne sont pas de nous, il dit l'habitude de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah quand il écrit un livre, c'est al-istiqsa al-adilla. C'est-à-dire que Ibn Taymiyyah, s'il veut prouver un point ou mentionner quelque chose sur un point, il ne va pas juste citer un dalil, un verset ou un hadith seulement. Non, il ramène tout ce qui a été mentionné sur ce sujet-là au complet. Et même s'il y a des choses qui sont faibles, qui sont daïfa, il les ramène aussi. Pourquoi? Parce que quand on les met tous ensemble, ça donne, ça va se renforcer les uns les autres. Les hadiths qui sont authentiques et les hadiths qui sont daïfs viennent comme confirmer ou rajouter des exemples. Et aussi, les hadiths authentiques, eh bien, si les hadiths faibles ont la même signification, eh bien, ils sont confirmés par les hadiths authentiques. Et donc, ça, c'est un exemple ici de ça. Donc, Ibn Taymiyyah, ça montre à quel point il était un savant qui avait une connaissance très très vaste de son sujet, et quand il écrivait sur un sujet, eh bien il allait jusqu'en profondeur dans ce sujet-là quand il en parlait. Et donc le cheikh il dit ici que il a mentionné un hadith, et que ce hadith-là, il y a dans le hadith, dans la chaîne de transmission, parce que je sais que vous savez probablement que chaque hadith est là avec, on dit qu'il se divise en le matin et l'isnad et le matin. Chaque hadith, il a deux parties. Chaque hadith se compose de deux parties. As-sanad, qui est la chaîne de transmission du hadith, et le matin, c'est-à-dire le texte du hadith. D'accord? Et donc, dans la sanad ou l'isnad de ce hadith-là, il y a un narrateur ou un des rapporteurs qui est Ibn Luhay'a. Et Ibn Luhay'a, il est daïf. Chez les ulama de hadith, il est daïf. Sauf que son sens est renforcé par un autre hadith qui est mentionné par Ibn Taymiyyah, qui est « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum ». Celui qui imite un peuple, il est un des leurs. Et ce hadith, il est rapporté selon Hudhayfa ibn al-Yaman dans Sahih al-Bukhari. Et donc le cheikh, il dit que yani, il est clair que il n'est pas permis pour un musulman d'imiter les juifs, hein, ou d'imiter les chrétiens. Et les juifs et les chrétiens font partie des gens du livre, c'est-à-dire de ceux qui ont reçu une révélation avant nous. Donc s'il n'est pas permis pour nous les musulmans d'imiter les gens du livre, alors d'imiter autre que les gens du livre, parmi les autres koufars, c'est encore plus hein, interdit de les imiter. Et le cheikh, il dit donc qu'il y a dans ça, dans ce hadith, la preuve qu'il n'est pas permis pour les musulmans d'imiter les koufars, peu importe que ce soit des koufars qui ont reçu un livre ou qui n'en ont pas reçu. Pourquoi? Parce que le fait de les imiter, eh bien, ça va faire en sorte que leurs actions, leurs coutumes, leurs croyances vont se propager parmi les musulmans par la suite, et leurs mauvaises croyances, leurs mauvaises pratiques, leurs mauvaises traditions, leurs mauvaises coutumes vont devenir hein, répandues parmi les musulmans, et ça c'est quelque chose qui est une porte vers l'égarement pour les musulmans. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de les imiter dans le but de fermer la porte hein, à qu'est-ce qui peut être une cause d'égarement chez les musulmans. Parce que dans l'islam, il y a le principe qu'on appelle sadd al-dhari'a. Sadd al-dhari'a, c'est-à-dire de fermer la porte à tout ce qui peut être une cause d'égarement ou à une cause de péché. Par exemple, si quelque chose, c'est possible qu'une chose ne soit pas haram en elle-même. C'est possible qu'une chose ne soit pas haram en elle-même, mais que le fait de faire cette chose-là ou d'aller vers cette chose va nous amener à tomber dans quelque chose qui est clairement haram. Alors dans ce cas-là, l'islam nous interdit même cette chose qui n'est pas nécessairement interdite, mais à cause du danger qu'elle représente, puisqu'elle peut nous faire tomber dans ce qui est clairement haram, alors cette chose-là, elle devient elle-même haram aussi. C'est ce qu'on appelle sadd al-dhari'a. Et il dit donc que notre religion et nos enseignements et nos règles islamiques nous exemptent hein, de tout ce que les autres peuvent posséder comme coutumes, pratiques, croyances, parce que dans l'islam, il y a ce qui est suffisant. Dans notre religion, il y a ce qui est suffisant. Et donc, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit ou de prendre ou d'emprunter quelque chose d'autres religions pour compléter. Il dit ensuite, « وَأَمَّا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم ليس منا يعني هذا من باب الوعيد ولا يعني كفر من تشبه باليهود والنصارى مطلقا ولكن الأمر يحتاج إلى التفصيل فإذا كان التشبه بهم في أمور الشرك كعبادة غير الله وتأليه المسيح عليه السلام أو تأليه الأنبياء والصالحين كما عند اليهود والنصارى فإن هذا التشبه يقتضي الكفر بالإجماع لكن إذا كان التشبه دون ذلك فهو محرم وقد يكون كبيرا من كبائر الذنوب وقد يكون دون ذلك. Donc le cheikh il explique un point important ici, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit ليس منا, c'est-à-dire il n'est pas des nôtres ou il n'est pas de nous, qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit ça c'est dans le sens de la menace. C'est dans le sens de la menace. Et non pas pour dire que ce sont nécessairement des koufars. C'est-à-dire, on ne va pas dire que de toute personne qui imite les juifs ou les chrétiens de façon absolue, dans le sens que, peu importe qu'est-ce que tu fais pour imiter un juif ou un chrétien dans n'importe quoi, automatiquement que tu l'as imité dans quelque chose, peu importe qu'est-ce que c'est, que ce soit petit ou grand, que automatiquement tu deviens comme eux, c'est-à-dire tu deviens kafir. Non. Ça ne veut pas dire que tu deviens kafir automatiquement. Mais le cheikh dit que c'est quelque chose qui nécessite qu'on élabore et qu'on détaille à ce sujet-là pour bien comprendre qu'est-ce qui fait que tu deviens un des leurs dans le sens absolu et qu'est-ce qui fait que tu deviens un des leurs dans le sens qui est moindre. Et donc, il explique. Donc, il dit par exemple, si tu imites les juifs et les chrétiens dans ce qui est shirk ou dans ce qui est kufr, alors dans ce cas-là, de les imiter dans ça, ça fait que tu tombes toi-même dans le shirk ou dans le kufr. dans la mécréance et dans l'association avec Allah. Comme par exemple, si tu imites les juifs et les chrétiens dans l'adoration d'autres que Allah, comme par exemple les chrétiens qui adorent et qui ont fait de Isa, le Messie, Isa ibn Maryam, ils en ont fait un dieu, une divinité ou un fils de Dieu, et ils le prient, ils l'invoquent, ils lui offrent des prières et des actes d'adoration. Donc celui qui imite les chrétiens dans ce genre de choses, eh bien lui aussi devient kafir, comme les juifs et les chrétiens s'ils les imitent dans ça, hein? Comme par exemple si quelqu'un parmi les musulmans prie à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il fait des doigts et il invoque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou il invoque un cheikh parmi les chouyours, hein? Comme par exemple dans certains pays musulmans il y a des confréries soufis et des groupes soufis, et ils ont chacun un cheikh qu'ils suivent, et quand ils ont des malheurs ou des difficultés ou des problèmes, au lieu de demander à Allah directement et de demander à Allah seul, eh bien ils passent par l'intermédiaire de leur chouyour ou du cheikh, hein, ou du marabout. Alors ça, il n'y a pas de doute que ça rentre dans qu'est-ce qui est shirk, hein, et que ces gens-là ont imité les chrétiens dans les exemples de shirk qu'ils font dans le christianisme. Et donc ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est en opposition avec l'islam. De même que ceux qui font des prophètes et des hommes pieux des divinités, hein, chez les chrétiens vous allez voir qu'ils vont faire des pèlerinages aux tombes des morts et des saints, et puis ils les invoquent en dehors d'Allah, ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah quand ils ont besoin de quelque chose. Chaque année ils organisent des gens de pèlerinage comme ça vers des tombeaux, vers des morts, pour leur demander. Par exemple ici au Québec, il y a un endroit qui s'appelle le Cap de la Madeleine, hein? Et à cet endroit-là, chaque année, ils vont faire des pèlerinages à qu'est-ce qu'ils appellent Notre-Dame, hein? Notre-Dame de je ne sais pas quoi encore. Donc c'est pour dire, à chaque fois ils font ça. Vous allez par exemple ici au cimetière de Côte-des-Neiges. Au cimetière de Côte-des-Neiges, il y a la mausolée de Marguerite Durville, hein? Et c'est une qui est considérée chez eux comme une sainte, hein? Et il y a d'autres, plein d'autres aussi. Le frère André, juste en haut, ici sur Queen Mary, tu montes en haut, il y a l'oratoire Saint-Joseph. Eh bien, à l'intérieur de l'église, ils ont mis sa tombe, hein? Et supposément qu'ils ont même gardé son cœur, hein, dans une bouteille, dans quelque chose comme ça. Les gens vont là-bas, ils vont prier. Et ils vendent même des petits morceaux de ses vêtements qu'ils mettent dans des pendentifs, et les gens portent ça sur eux, puis ils pensent que ça les protège, hein, que ça peut les protéger contre le mal ou les maladies ou je sais pas quoi. Donc tout ça c'est des exemples de shirk, et on retrouve ces choses-là même chez les musulmans, dans les pays musulmans, des musulmans qui vont prier à des tombes, qui vont prier à des saints, à des qu'ils appellent Sayyid, ou bien des Wali, ou des Awliya, et puis ils vont à la tombe, et puis ils vont caresser la tombe, ils vont même prendre de la terre, hein, s'il y a de la terre ou de la poussière sur la tombe, ils le prennent, ils mettent ça dans une petite bouteille, ils ferment ça, ils amènent ça chez eux, ils mélangent avec de l'eau, ils se lavent avec ça, ils pensent qu'ils vont être guéris, ou bien qu'ils vont avoir de la baraka de ce wali ou de ce sayyid ou de je sais pas quoi. Donc tout ça c'est des exemples de bid'a, des exemples de shirk, et donc ça fait partie aussi de l'imitation des juifs et des chrétiens. Et c'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a dit yani la'natullahi ala al-yahoudi wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des mosquées, comme des lieux d'adoration, comme des lieux de culte. Et c'est là qu'ils vont prier. Hein? Et dans une autre version de ce hadith, il dit « Ulaika shirarul khalqi indallah » Ceux-là sont les plus mauvaises créatures pour Allah. Ceux-là sont les plus mauvaise créature pour Allah. Donc si parmi les musulmans, il y en a qui imitent les juifs et les chrétiens et qui font des tombes, des lieux d'adoration et des lieux de prière et des mausolées et des dômes, et ils vont là-bas pour les prier, pour les invoquer, pour faire des pèlerinages, pour tourner autour de leur tombe, pour égorger des animaux, pour sacrifier des animaux à leur tombe, pour faire des vœux pieux, tout ça c'est des exemples de shirk. Et c'est des choses malheureusement qu'on retrouve dans plusieurs des pays musulmans, et rares sont les pays musulmans qui sont épargnés ou qui sont exemptés de ce genre de shirk et d'égarement. Donc c'est pour ça l'importance de la da'wah du tawhid et d'appeler les gens au tawhid. Donc si tu imites les chrétiens et les juifs dans ces choses-là, eh bien, yani, c'est, dans ce cas-là, tu les as imités dans ce qui est kufr et dans ce qui est shirk. Et oui, dans ce cas-là, ça fait sortir de l'islam selon le consensus des musulmans. Comme le shaykh il le dit, « فَإِنَّ هَذَا التَّشَبُّهْ يَقْتَضِي الْكُفْرْ بِالْإِجْمَعْ » C'est-à-dire, il y a consensus des savants de l'islam sur le fait que d'imiter les juifs et les chrétiens dans ce genre de choses-là, ça c'est « kufr bil-ijma ». Et il ne faut pas penser que c'est juste les chrétiens qui font ce genre de choses-là, même les chrétiens, même les juifs. J'ai lu des articles à ce sujet-là justement, au Maroc, les juifs marocains, ils ont des saints juifs, et ils vont à leur tombe, et ils les invoquent en dehors d'Allah, et ils les prennent comme des intercesseurs, et des intermédiaires entre eux et Allah, et ça aussi, ça fait partie du shirk. Et donc, parmi les musulmans, il y en a qui les ont imités là-dedans, malheureusement. Donc, si tu les imites dans ça, ça c'est du kufr et du shirk, mais si tu les imites dans autre chose, qui est moindre que le shirk ou le kufr, dans ce cas-là, c'est haram. Si tu les imites dans le haram, par exemple, si des musulmans veulent imiter des chrétiens ou des juifs, par exemple, je ne sais pas moi, des chanteurs ou des vedettes, ils disent, bon, lui, eux, c'est des juifs et des chrétiens, ils font de la musique, ils sont très populaires, moi je veux faire ça moi aussi. Alors il devient chanteur. Alors il les a imités dans ce qui est haram, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un péché. Hein? Donc tu les imites dans le péché, alors c'est un péché. Tu les imites dans le kouf, alors c'est kouf. Tu les imites dans qu'est-ce qui est kaba'ir, alors ça fait partie des kaba'ir. Et, si ça, et ça peut être moindre aussi, ça dépend. Des fois, si tu les imites dans quelque chose qui n'est pas un péché, hein, qui est moubah, mais le fait de les imiter dans cette chose-là, ça peut t'amener à tomber dans le péché par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le cheikh, il dit ensuite, فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَ الْإِشَارَ بِالْأَكُفِ يعني الله قد شرع لنا السلام على من لقينا من المسلمين فالابتداء بالسلام سنة ورده واجب قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وقال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم وكان يقول أول ما قدم المدينة يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام فإفشاء السلام بين المسلمين أمر مطلوب لما فيه من المصالح ونزع الحقد والتهاجر وزرع المحبة بين المسلمين. Donc le cheikh il dit, dans le hadith qu'on a lu, c'est mentionné que le salut des juifs, c'est par un signe du doigt, ou bien les chrétiens par la main. Ils font un signe par la main. Et le cheikh explique que l'islam nous a légiféré, Allah nous a légiféré de faire le salam comme salut, de se saluer par la parole. Assalamu alaykum. Et de débuter, assalam, c'est quelque chose qui est sunna, c'est-à-dire c'est recommandé. Si tu vois quelqu'un, c'est pas obligatoire à chaque fois que tu vois quelqu'un de lui dire assalamu alaykum. Mais c'est une sunna de le faire. Toutefois, de répondre au salam, c'est une obligation. De répondre au salam, c'est une obligation. De le faire en premier, c'est pas une obligation, c'est une sunna. Mais de répondre au salam, c'est obligatoire. Et le cheikh, il mentionne le verset 86 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous êtes salué, hein, si on vous fait le salut, on vous dit assalamu alaykum, alors répondez par quelque chose semblable ou meilleur. semblable ou meilleur. C'est-à-dire, si on te dit assalamu alaikum, tu réponds soit wa alaikum assalam, ou bien tu réponds par quelque chose de meilleur, c'est-à-dire wa alaikum assalam wa rahmatullah, ou bien wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala na'am, a compté chaque chose ou a compté toute chose. Et il dit ensuite dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afshu salama baynakum, c'est-à-dire yani propagez ou dites entre vous le salam. Dites le salam ou passez le salam entre vous. Et ça fait partie donc des exemples de l'islam et des enseignements de l'islam. Assalamu alaykum, c'est pas seulement un salut qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans. C'est un salut qui a été enseigné par tous les prophètes d'Allah. Hein? Et même si vous lisez même les livres des juifs et les livres des chrétiens aujourd'hui, même dans les livres qu'ils ont aujourd'hui et qui sont falsifiés, et déformé, et bien encore aujourd'hui vous retrouvez la formule que la paix soit sur vous, hein? Et les juifs aussi, hein? Ils disent shalom, hein? Ils ne disent pas salam, ils disent shalom, mais c'est la même racine, hein? Donc ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le salut des prophètes ça a toujours été assalam, hein? Malgré qu'aujourd'hui malheureusement parce que les musulmans sont influencés par les koufars et veulent imiter les koufars, au lieu de dire assalamu alaikum, ils vont dire autre chose. Comme vous allez par exemple dans certains pays où il y a beaucoup de chrétiens arabes, eh bien les musulmans, au lieu de dire assalamu alaikum, ils vont dire sabah al khair, hein, sabah al layl, ou bien masa al khair, sabah al khair. Yani Allah musta'an. Donc tout ça c'est des exemples d'imitation des chrétiens et des juifs. Parce que les koufars ils disent quoi? Bonjour, bonsoir, hein? Et ainsi de suite. Donc il y a des musulmans, ils veulent imiter ça. Je me rappelle une fois je suis rentré dans un bureau, c'est des musulmans, yani subhanallah, j'ai dit assalamu alaikum, ils m'ont répondu bonjour. Je leur ai dit, oui, mais on est des musulmans, pourquoi vous dites bonjour? Pourquoi vous ne dites pas, yani, wa alaykum salam? Et ils m'ont dit, non, salamu alaykum, c'est à la mosquée. Ici, on n'est pas à la mosquée. J'ai dit, subhanallah, est-ce que dans la mosquée, on a une religion, puis à l'extérieur de la mosquée, on a une autre religion? Donc le salam, c'est pour partout, c'est pour tous les endroits. Mais malheureusement, il y a ces musulmans-là qui sont, disons, ils se sont, comme on dit, laïcisés. Allah al-musta'an. Ils sont devenus comme les laïcs. Ils veulent séparer la vie de la religion. Donc, si tu vis à l'extérieur de la mosquée, tu ne pratiques pas l'islam. Mais dans la mosquée, oui. Donc, ça, c'est pour montrer l'absurdité de ces idées-là. Et donc, le salut, c'est partout. Et il mentionne un hadith. Il dit, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, al-Madina, al-Nabawiya, il a dit, vous les gens, hein, oh les hommes, propagez le salam, nourrissez les gens avec de la nourriture, priez la nuit pendant que les autres dorment, et vous rentrerez au paradis en paix. Donc, de propager le salam, hein, entre les musulmans, c'est quelque chose qui est exigé. Même il y a un hadith, le cheikh ne le mentionne pas ici, mais il est connu ce hadith-là. Il a dit لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. C'est un hadith qui dit quoi? Ça dit, vous n'allez pas rentrer au paradis tant que vous ne serez pas croyant, et vous ne serez pas croyant tant que vous vous aimez, hein, tant que vous ne vous êtes pas aimés les uns les autres. Et après, il dit, voulez-vous que je vous indique quelque chose, que si vous le faites, vous allez vous aimer les uns les autres? Propagez le salam, ou dites-vous le salam entre vous. Donc, c'est pour dire que, de dire le salam, ça fait partie des causes qui propagent et qui mettent entre les musulmans l'amour entre eux et qui va les faire entrer au paradis par la permission d'Allah. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a malheureusement des pratiques et des coutumes, des koufars qui se sont maintenant répandus chez les musulmans, qui font que maintenant ils ont délaissé, Allah al-Musta'an, les exemples des enseignements de la religion. Et les gens pensent que les manières des koufars, c'est plus, hein, c'est mieux, que c'est plus moderne. Hein. Je me rappelle quelqu'un qui m'a posé la question une fois, il m'a dit, mais pourquoi tu t'habilles pas normal? On m'a dit, pourquoi tu t'habilles pas normal? Mais j'ai trouvé ça bizarre parce que je me dis, subhanallah, les musulmans, ils ont des traditions depuis des siècles. Ils s'habillent d'une certaine façon. Maintenant, depuis que l'Occident a colonisé les pays musulmans, c'est sûr que les musulmans ont commencé à se sentir complexés face aux Occidentaux. Maintenant, ils veulent tout faire pour leur ressembler. Hein? Alors que, yani, subhanallah, tu trouves des gens qui, yani, non, eux ils sont fermes et ils restent sur leurs coutumes et leurs traditions qui sont en accord avec l'islam et ils ne vont pas les changer pour ressembler aux occidentaux ou à quiconque d'autre. Hein? Donc c'est ça. Et après le cheikh il dit, « Wal aslu fi salam alladhi bayna al-muslimin an yakuna bil kalam. Amma taslimu al-yahud wal-nasara » فإنما يكون بالإشارة دون القول كالإيماء بالرأس أو اليد وهذا لا يحقق الغاية من التسليم من الدعاء للمسلم عليه فنحن منهيون عن أن نتشبه بهم فنرفع الأكف أو الأيدي إلا إذا كان المسلم عليه بعيدا ولا يسمع الصوت فإنه يسلم وعليه بالتلفظ مع رفع اليد للتنبيه المسلم عليه ولكن لا يقتصر على الإشارة وإنما يقول السلام عليكم ويشير بيده. Donc ça c'est un point important aussi. Le cheikh il dit que à la base le salam c'est avec entre les musulmans c'est avec la parole. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Donc ça c'est le salut entre les musulmans. Pour les juifs et les chrétiens, eux c'est de faire un signe avec la main. Tu les vois par exemple, ils se saluent comme ça de loin, hein, avec la main. Et ça c'est comme pour dire salut, donc ça suffit pour eux. Ou bien ils font un signe avec la tête, hein, comme ça. Ou bien, donc ça c'est des exemples de salut qu'ils font, avec la main ou avec la tête. Et il dit ça répond pas à l'objectif ou au but de faire une invocation pour la personne à qui on a fait le salut. Parce que oubliez pas que quand tu dis à quelqu'un assalamu alaykum, de un ça veut dire la paix, mais aussi que un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est assalam. Ok, donc tu dis assalamu alaykum, hein? C'est comme si tu lui fais une invocation pour dire, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec vous. Et aussi en même temps, c'est pour dire que vous soyez exemptés de tout ce qui peut être mauvais ou mal ou faux ou, yani, tout ce qui peut être mauvais pour vous, que Allah vous en épargne. Hein? Que Allah vous en épargne. Et donc, c'est une invocation, c'est un dua que tu fais. Et donc, de simplement juste de se limiter à faire un geste avec la main, ça ne peut pas compenser pour cette invocation-là. Et donc, on n'a pas le droit de ressembler ou d'imiter les juifs et les chrétiens, puis de lever la main comme ça pour faire salut. Hein? Salut, avec la main ou avec la tête. Excepté, le cheikh dit, excepté si la personne qu'on veut saluer, elle est loin. Elle est trop loin que, même si on lui dit assalamu alaykoum, il faudrait crier et que la personne est trop loin, donc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut saluer avec la main, mais en même temps, on prononce le salam. Ça veut dire, tu vas faire comme ça, salam alaykoum, de loin. Hein? Même si la personne ne va pas t'entendre, c'est pas grave. Mais tu vas le saluer, puis en même temps, tu dis assalam alaykoum, que la personne sache que tu lui as fait le salam, et tu ne te limites pas seulement à faire le geste avec la main ou le signe avec la main. D'accord? Donc quand tu fais le signe avec la main, mais en même temps tu dis assalamu alaikum, même si c'est à voix basse, c'est pas grave, au moins tu prononces le doigt quand même. D'accord? Après le cheikh il dit wa qawluhu wa hada وهذا وإن كان فيه ضعف يعني الحديث الضعيف لا يلغى نهائيا كما يقول كذلك كما يقول بذلك بعض العصريين وبعض المتعلمين فالحديث إذا كان في إذا كان ضعفه قليلا أو لم يجمع على أنه ضعيف فإنه لا يلغى بل يستدل به لا سيما إذا كان يستند إلى أحاديث صحيحة أو يعتضد بأحاديث صحيحة وأدلة صحيحة تقويه. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah il mentionne que le hadith en question qui mentionne le salut des juifs et des chrétiens, que ça c'est daïf. Et il dit mais ça ne veut pas dire qu'on doit complètement annuler le hadith. On ne veut pas annuler complètement le hadith comme le font certains contemporains ou certains qui prétendent à la science. Il dit parce que ça se peut que sa faiblesse soit petite. Ce n'est pas une faiblesse qui est grande. Et c'est possible également que ce hadith-là soit réuni avec d'autres hadiths qui sont plus authentiques. Donc même s'il est faible, on ne va pas le rejeter, on va pas le rejeter définitivement. On peut quand même l'utiliser comme support, comme exemple. Et il dit, le cheikh, que surtout s'il est supporté par d'autres hadiths authentiques qui viennent le renforcer. Des preuves authentiques qui viennent renforcer ce hadith. Et souvent vous allez voir ça dans les livres des ulama. Ils vont mentionner des hadiths. Premièrement, ils vont mentionner des versets dans le Coran, puis après des hadiths authentiques. Al-Bukhari, Muslim ou d'autres parmi les sunan. Puis après, ils vont citer des hadiths qui sont daïf. Et donc les gens ils vont dire, mais pourquoi il a mentionné le hadith daïf? Il a mentionné le hadith daïf juste pour confirmer. Mais déjà, les preuves sont établies dans les hadiths authentiques et ça c'est dans le même sens. Donc ça vient rajouter de la force. Ou des exemples. Et le cheikh dit, وَأَيْضًا مَا رَوَى أَبُو دَاوُودٍ. Ibn Taymiyyah il continue, il dit نعم ما روى أبو داود حدثنا قتيبة ابن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر ابن محمد بن علي ابن ركانة أو محمد ابن علي ابن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم والقلانس العمائم على القلانس العمائم على القلانس وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به وهذا بين في مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع. Donc le cheikh il dit qu'il est rapporté selon par Abu Dawood, il mentionne la chaîne de transmission. On n'a pas besoin de répéter tous les noms, mais de dire à la fin qu'il est rapporté selon Muhammad ibn Ali ibn Rukana, selon son père, selon Rukana, qui a lutté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a battu à la lutte. Et après, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, la différence entre nous et les mushrikines dans la façon de porter la imam, c'est-à-dire le turban, c'est qu'on le porte sur al-qalanis, Al-Qalani, c'est comme une taqiyya, comme ça. Hein? On met le turban par-dessus Al-Qalanis. Tandis que les mushrikoun, eux, non, ils ne mettent pas Al-Qalanis. Ils mettent le turban directement sur leur tête. Pas avec une taqiyya par-dessus. Hein, par-dessus leur tête. Et donc, il dit, Ibn Taymiyyah mentionne que ça, c'est, ça implique que ce hadith, il est hassan. Hein, il est hassan, selon Abi Daoud. Et At-Tirmidhi, il dit que il le rapporte. At-Tirmidhi, il le rapporte ce même hadith selon Qutayba. Il dit que c'est un hadith qui est gharib. Hadith gharib, c'est-à-dire qui est rapporté par une ou deux personnes. Il n'y a pas beaucoup de narrateurs, mais il dit que la chaîne de transmission n'est pas solide. Pourquoi? Parce que on connaît pas Abu al-Hasan al-Asqalani, on connaît pas Ibn Rukana. Et il dit, mais ça veut pas, Ibn Taymiyyah dit, ça veut pas dire qu'on peut pas utiliser le hadith pour confirmer ou renforcer ou l'utiliser comme témoin, ce hadith là. Et il y a dans le hadith quelque chose qui clarifie qu'il faut se distinguer et se séparer du mushrik, même dans la façon de s'habiller. C'est quelque chose qui est exigé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, le cheikh Al-Fawzan, pour expliquer ça, que قوله أن ركان صرع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني هذا النبي يعني هذا الحديث فيه فائدتان. الأولى مشروعية المصارعة بالأبدان من أجل إظهار القوة ولأجل التمرن، فإن ذلك يساعد المسلم على الاستعداد لملاقات العدو ويعطيه لياقة وجاهزية، ولكن ينبغي أن يكون دون ضرر أو إيذاء يقع على أحد المتصارعين، فإنما هي مصارعة لإظهار القوة والمغالبة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة، فلقد صارع فصرعه صلى الله عليه وسلم مع أن ركان كان رجلا قويا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي قوة أكثر من غيره، ففعله يدل على جواز المصارعة، ولكن يحرم أن يأخذ الفائز عوضا أو جوائز، لأن هذا من أكل المال بالباطل وهو من الميسر، فالمصارعة التي لا يؤخذ عليها عوض لا بأس بها. Donc le cheikh il dit, dans ce hadith, premièrement il y a deux points bénéfiques. Le premier point bénéfique, c'est que dans l'islam il est légiféré, c'est-à-dire c'est permis de lutter physiquement, de faire de la lutte pour montrer la force. Et dans le but de s'entraîner. Et il dit que ça va aider le musulman à se préparer à rencontrer son ennemi, et ça va lui donner une préparation, un entraînement, hein. Il va être capable de lutter lorsque c'est nécessaire. Mais par contre, il faut pas que ce soit fait avec quelque chose qui va causer du tort à un des deux lutteurs, ou qui va faire du mal, ou qui va blesser un des deux lutteurs. Quand on fait ça, c'est juste pour s'entraîner, c'est pour montrer la force, celui qui est plus fort, c'est qui va avoir le dessus sur l'autre. Donc c'est juste pour entraînement, c'est pas pour réel, hein? C'est pour montrer un exemple, c'est pour s'entraîner. Et il dit, le cheikh, que c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec Rukana. Et il dit qu'il a lutté avec lui, donc ils ont lutté ensemble, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à prendre le dessus sur lui, c'est-à-dire il a été plus fort. Tandis que alors que Rukana était un homme très très fort, mais malgré tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné une force plus grande que à d'autres hommes. Et donc il a réussi à gagner sur lui. Et il dit, ça c'est la preuve que c'est permis. C'est-à-dire, c'est la preuve que c'est permis de faire de la lutte. Sauf que, yani, celui qui gagne, il ne doit pas prendre un prix ou quelque chose en échange. Celui qui gagne ne doit pas gagner quelque chose en échange ou parier de l'argent ou des choses comme ça. Ça, ça fait partie de manger l'argent des gens de façon illicite. C'est comme du al-maisir. C'est comme de la, comme on dit, les jeux de hasard. C'est pas permis de parier ou de mettre de l'argent sur ce genre de choses-là ou de donner au gagnant quelque chose. Mais par contre, la lutte en elle-même, s'il n'y a pas d'échange d'argent, donc c'est permis. Par contre, j'aimerais juste mentionner un point ici en même temps, qui est quelque chose que parfois les musulmans ils demandent, et qui est quelque chose qui est ici en Occident parfois comparé à la lutte, c'est qu'est-ce qu'ils appellent comment ça s'appelle, la boxe. La boxe, ça c'est pas permis. La boxe c'est pas permis. Pourquoi? Parce que premièrement, le but de la boxe, c'est de mettre l'adversaire KO. Et par ce moyen-là, pour arriver à cet objectif ou à ce but-là, eh bien, il faut frapper l'adversaire à la tête et au visage. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit aussi en islam, de frapper au visage. Donc, la boxe, c'est pas quelque chose qui est permis. Et aussi, par rapport à la lutte. Bon, je ne sais pas si ça vaut la peine de mentionner ça, mais c'est la lutte pour montrer que un est plus fort que l'autre. C'est pas nécessaire que ce soit une forme de lutte en particulier, parce qu'il y a plusieurs sortes de luttes. Hein. La lutte romaine, il y a d'autres sortes de luttes de style asiatique ou je ne sais pas quoi. Ils ont des différents noms. Donc, du moment que c'est dans le but de s'entraîner puis de montrer la force et des choses comme ça, donc ça c'est correct, mais parfois dans les trucs d'arts martiaux asiatiques, il y a des formes de shirk qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils vont se prosterner ou s'incliner devant leur adversaire avant le combat, et ça c'est pas permis, donc il faut pas s'incliner ou se pencher devant son adversaire. Et subhanallah, par exemple au Japon, c'est pas seulement dans les combats que les gens se saluent en se prosternant ou en s'en faisant le recours, mais même quand ils se rencontrent comme ça dans la rue, la façon comment ils se saluent, ils s'inclinent, ils font le recours. Et plus la personne veut montrer plus de respect à l'autre, plus elle se penche plus bas, hein, devant la personne. Donc ça, c'est clair que même si ça fait partie de leur coutume, de leur culture, ça c'est des choses qui sont contraires à l'islam. C'est des choses que l'islam interdit. Hein, parce que dans l'islam, on n'a pas le droit de s'incliner, de se prosterner devant personne, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Ni devant un dirigeant, ni devant un roi, ni devant un prince, ni devant peu importe. On se prosterne et on s'incline uniquement devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est des adorations, c'est un acte d'adoration. Ensuite, le deuxième point que le cheikh mentionne, il dit: wal fa'idatu thaniya annahu yushra'u lil muslimin mukhalafat al mushrikin fi hay'at al libas fala nalbis al libas al mukhtas bihim wa dhalika wa min dhalika al amaim wa hiya min al malabis al mubaha walakin la tulbas wahdaha bal yakunu tahtaha qalanis لأن غير المسلمين يلبسونها بدون أن يكون تحتها شيء فمن أجل مخالفتهم في الصفة شرع أن تلبس العمائم فوق القلانس والقلانس جمع قنصولة قلنسوة le singulier et القلانس هو البلوريال يعني الجمع وهي شيء يلبس على الرأس وهي كالتالي تسمى اليوم طاقية طاقية. Donc le cheikh il dit que deuxièmement, il est légiféré pour les musulmans de contredire les mushrikines dans leur façon de s'habiller, hein, leur style, leur mode, la façon comment ils s'habillent. Pourquoi? Parce que s'ils ont un habillement qui leur est spécifique ou qui leur est particulier, par lequel ils se distinguent, eh bien dans ce cas-là, on n'a pas le droit de s'habiller de cette façon-là. Ok? Et parmi les exemples de ça, c'est al-amaim, les turbans. Les musulmans, le cheikh dit, on a le droit de porter des turbans. Les turbans, c'est permis. Mais, par contre, on ne porte pas le turban tout seul. Il doit y avoir en dessous du turban quelque chose. Hein? Et pourquoi? Parce que les non-musulmans, c'est-à-dire les koufars, eux, ils portaient les turbans directement sur leur tête sans qu'ils aient par-dessus quelque chose sur leur tête. Donc, pour les contredire ou pour se distinguer d'eux, il a été légiféré de porter le turban sur Al-Qalanis. Al-Qalanis, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on met sur la tête comme Taqiyya aujourd'hui? Un chapeau ou bien, comment on a dit, Taqiyya. Les gens, ils l'appellent Koufi ou des différents noms. C'est quelque chose qui est porté sur la tête comme un chapeau. Tu mets ton turban par-dessus. et pas directement sur ta tête. Il dit وقوله وقال غريب وليس إسناده بالقائم يعني أن الحديث ضعيف لكن يستدل به في أحوال منها إذا اعتضد بأدلة صحيحة وقد اعتضد هذا الحديث بالقاعدة الشرعية التي تقول بتحريم التشبه بغير المسلمين وهو معنى قوله في وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك يعني مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع أي أنه يستشهد لهذا الحديث الضعيف بأن مفارقة المسلم المشرك أمر مطلوب ومخالفته في هيئة اللباس الخاصة به هو الأصل. Donc le cheikh il dit, quand il dit que c'est un hadith qui est pas authentique, c'est-à-dire le hadith il est faible, mais on peut quand même l'utiliser. Et parmi les cas dans lesquels on a le droit d'utiliser le hadith daïf, c'est pour confirmer une preuve authentique, ou pour rajouter du poids, ou confirmer le hadith authentique, c'est ça, pour le supporter. Et ça c'est une règle, hein, c'est une règle. Puisque plutôt c'est pas ça qui est une règle. Qu'est-ce qui est une règle? C'est le fait que dans l'islam, on n'a pas le droit d'imiter les mushrikines et les kuffars. Ça, c'est la règle. Et donc, le hadith en question, il vient supporter cette règle. Donc, on a le droit de l'utiliser. C'est ça que c'est le shirk veut dire, oui. Le cheikh il a expliqué que dans le cours précédent on a dit ça, que le turban c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait, mais c'est pas une sunna de le porter. C'est-à-dire c'est pas comme si de porter le turban c'est la sunna, ou bien que c'est comme le faire comme une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie des traditions qui étaient pratiquées par les Arabes de l'époque. Le fait de porter un turban, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la sunna. Hein? Si je me souviens bien, c'est ça que le cheikh avait expliqué. Il a dit, c'est ça, « Libsul imama min al-umur al-mubaha, wa laysat sunna ». Hein? Donc porter l'imama c'est quelque chose qui est permis, mais c'est pas sunna. Et il dit ça, mais en fait comme tu dis le fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de soufis puis il y a beaucoup de shia qui portent le turban, est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas le porter pour ne pas les imiter ou pour ne pas leur ressembler? Allahu alam. Le cheikh il a expliqué bien comme il faut que le turban c'est mubah, c'est pas interdit, Et le fait que certains parmi les gens de Bid'a le portent, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas le porter de façon absolue? En fait, son ancien, il avait les cheveux longs. Et c'est devenu une coutume chez les Khawarij. Non, c'est vrai. C'est... Si maintenant le turban aussi, ça serait une chose à éviter étant donné que les soufis, les rafidas, ils mettent beaucoup. Yanni, je pense que ça, c'est pas, on peut pas faire une règle générale par rapport à ça. Parce que ça dépend de l'endroit, puis ça dépend de l'époque aussi. Donc, peut-être que à une époque, c'est vrai. Ça peut être quelque chose qui est répandu dans certains endroits puis que c'est fait par les gens de Bid'a. Peut-être que dans une autre époque et dans un autre endroit, c'est pas la même chose. Donc, Allahu a'lam. Et le cheikh il dit ici, wa huwa ma'na qawlihi. Donc, on a le droit d'utiliser un hadith qui est faible pour supporter une règle ou supporter un hadith qui est sahih. Et il dit, c'est ici utilisé dans le but de mentionner que le musulman, il doit se distinguer du mushrik. C'est quelque chose qui est exigé par l'islam. Et donc, de se distinguer dans une façon de porter un vêtement qui leur est particulier, eh bien, ça c'est une règle dans l'islam et c'est une règle de base. Par exemple, même dans d'autres façons, dans d'autres vêtements aujourd'hui à la mode chez les koufars, ils ont des fois des façons de porter certains vêtements, des façons de s'habiller, des façons de se vêtir. Il faut que le musulman se distingue. Les koufars, yani dans ces choses-là. C'est pas pour dire que yani de porter des vêtements que les koufars portent, c'est interdit. Non, ça veut pas dire que c'est interdit. Mais si ça leur est spécifique et ça leur est particulier, ou bien que la façon de le porter est spécifique et particulière aux koufars, dans ce cas-là, il faut les contredire dans cette façon qui leur est particulière. D'accord? Donc ça, c'est ça le point. Le cheikh, il dit, « Ka qawlihi faslu ma bayna al-halal wal-haram ad-duf wal-sawt. Fa inna al-tafriqa baynahuma مطلوب في الظاهر إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا يعني لعن صلى الله عليه وسلم المشبهات من النساء بالرجال والمشبهين من الرجال بالنساء وقال أخرجوهم من بيوتكم يعني نفى الخنث أو المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. Donc le cheikh explique que il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un autre hadith que la différence entre ce qui est halal et ce qui est haram par rapport aux relations entre un homme et une femme, c'est avec ad-duf et as-saut. Ad-duf ou as-saut. Ad-duf, c'est quoi? C'est le tambour. Le tambour, une peau étirée, c'est pas le tambour. En français, on dit tambour, mais c'est pas un tambour. Pour être plus précis, ad-duf, je vais le décrire au lieu de le traduire parce que peut-être ça peut confondre. Si on dit tambour, ça risque de les gens risquent de comprendre de façon incorrecte que le tambour est halal. C'est pas le tambour qui est permis, c'est ad-duf. Et ad-duf, c'est quoi? C'est, disons, un cercle, un cylindre, mais pas un cylindre, comme un cerceau. Qui est recouvert d'une peau, qui est assez large, et c'est ça qu'on appelle en arabe ad-duf. Et c'est ça qui est permis pour les femmes dans les mariages, lorsqu'elles se réunissent, elles tapent le duf et elles peuvent chanter des chansons entre elles. Dans les fêtes de Eid et dans les mariages, les wala'im, les choses comme ça, les femmes ont le droit de faire ça entre elles, pas les hommes, hein, et pas avec des tambours comme j'ai dit, mais avec des ad-douf. Ad-douf, c'est pas la même chose. Et donc elles chantent et elles tapent le douf entre elles. C'est ça qui est permis, c'est ça la sunna. Et c'est ça la différence entre qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, dans le sens que les gens qui font qu'est-ce qui est halal, ils le font savoir publiquement qu'ils se marient, et le but de la fête du mariage et du douf, c'est de faire savoir à tout le monde dans la communauté que ces deux personnes-là se sont mariées ensemble. Et que c'est public, c'est connu, pour que tout le monde soit au courant. Donc on fait la fête. C'est ça le but de la fête du mariage al-walima. Tandis que ceux qui se marient en cachette, hein, ou bien qui le dévoilent pas, ou qui ne font pas savoir aux gens, eh bien ça c'est un signe qu'il y a quelque chose qui est louche. Hein? Et on ne sait pas, il y en a ces gens, deux personnes, ils disent bon on se marie, hein, ils font pas, ils disent pas à personne, et puis le lendemain, tu sais pas, ils se sont divorcés, on n'a jamais su qu'ils étaient mariés, et puis elle tombe enceinte, la femme, et là après tout le monde dit mais comment ça se fait qu'elle est enceinte alors qu'elle n'était pas mariée, alors que, hein, donc ça amène des shubuhat. Donc la différence entre qu'est-ce qui est halal et haram, c'est ad-duf wa sawt, c'est qu'on fasse que le mariage soit public, dans le sens qu'on a fait connaître ça ouvertement et publiquement, et tout le monde est au courant. Donc c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qu'on veut distinguer entre le halal et le haram par quelque chose d'apparent, hein? Et c'est ça la différence entre la croyance et l'action, hein? Et il dit bon, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il veut dire ici, parce qu'il dit aussi qu'on doit distinguer entre l'homme et la femme, et ça doit être en apparence et intérieurement aussi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui imitent ou qui ressemblent aux hommes, et il a maudit les hommes qui imitent les femmes, et il a même ordonné de les faire sortir des maisons, c'est-à-dire les hommes qui sont comme des femmes, qui imitent les femmes ou qui sont efféminés, il a ordonné de les sortir des maisons. Et ce qu'on appelle en arabe al-mukhannath, c'est-à-dire l'homme qui a des caractéristiques féminines, hein? Et donc yani, parce qu'il ressemble à une femme en apparence, il imite une femme, il imite autre que son sexe, donc c'est quelqu'un qui yani, a commis quelque chose qui est haram. Donc le cheikh il explique ça. Il dit wa qawluhu faslun bayna al halal wal haram al duf wa sawt ay fi al nikah wa huwa an al darb fihi bil duf alamatun ala annahu nikah la zina fayustahab an yudrab bil duf li'lan al nikah wa ishharihi 'inda al 'aqd aw 'inda al dukhul لكي يعلم الناس أن فلانا تزوج بفلانة فلا يكون هناك مجال لسوء الظن فضرب الدف هو بمثابة إعلان النكاح بخلاف نكاح السر فإنه يشبه الزنا ولذلك كان الفرق بين الحلال والحرام في النكاح ضرب الدف وهذه رخصة لأن الدف في الأصل محرم لأنه من أدوات الطرب ولكن استثنية في هذه الحالة من باب الرخصة. Donc le cheikh il explique pour commencer que la différence entre le halal et le haram c'est ad-duf, hein? Et il dit, c'est-à-dire dans le mariage, il dit qu'on frappe le duf, et ça c'est pour montrer que qu'est-ce qu'on fait c'est un mariage et non pas zina. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est dévoilé, public. Et donc, il est recommandé de frapper le douf pour faire savoir qu'il y a un mariage et pour faire en sorte que ce soit public et que ce soit connu par tout le monde. Lors de l'acte de mariage, lorsqu'on fait l'acte de mariage ou lorsque on rentre hein, lorsque l'homme rentre chez la femme rentre chez son mari, la femme lorsqu'elle rentre chez son mari, ou bien lorsqu'on écrit le contrat de mariage, il faut taper le dof et il dit ça c'est pour que les gens sachent que telle femme s'est mariée avec tel homme. Et donc en faisant ce genre de fête et ce genre de dof, ça va éliminer toute fausse pensée ou tout doute sur une relation qui serait pas divulguée ou publique, ou qu'on n'aurait pas fait connaître publiquement. Donc le fait de taper le dof, c'est pour faire connaître ou pour faire savoir le mariage, contrairement au mariage qui est secret, qui ressemble à la fornication ou à l'adultère. Et il dit que c'est la différence donc entre qu'est-ce qui est halal et ce qui est haram dans le mariage, c'est de taper le dof, hein. Et il dit que ça c'est une permission de la charia, parce qu'à la base le dof fait partie des instruments de musique et c'est haram, hein, comme les autres, sauf que c'est permis dans le mariage pour les femmes entre elles. C'est pas comme certains qui le font entre des hommes, hein, ou les femmes mélangées, ou bien juste les hommes entre eux puis les femmes entre elles. Non, c'est seulement entre les femmes que c'est permis. Et c'est le dof, pas d'autres instruments de musique avec, seulement le dof. Et un autre point aussi qui est important de comprendre par rapport à ça, c'est que certains parmi les gens d'égarement, ils essaient de rendre la musique halal en se basant sur la permission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée aux femmes de jouer le dof, de frapper le dof pour le mariage. Donc ils disent, la preuve que la musique est halal, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis que les femmes tapent le dof lors du mariage. Alors que ça, c'est l'exception. Donc comment tu veux prendre une règle d'exception pour en faire une règle générale, pour essayer de rendre halal ce qui est haram? Donc ça, c'est pas correct. Donc le cheikh, il dit, à la base, c'est haram, mais c'est permis pour les femmes et pour le mariage. Et il dit, c'est ça la différence entre ce qui est halal et ce qui est haram dans les relations ou dans le mariage. Et c'est dans le but de le faire connaître. Donc il dit, فَالتَّفْرِقُ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَطْلُوبٌ فِي الظَّاهِرِ أي إظهاره وإعلانه للناس وإن كان العقد قد تم مستوفيا لشروطه وأركانه فهو عقد صحيح ولكن ينبغي إشهاره لئلا يشبه الحرام فإعلانه يقطع المشابهة بين الحلال والحرام. Donc le cheikh il explique, il dit, même si le contrat de mariage était halal, était valable et qu'il était correct, malgré tout c'est toujours bon, même si le contrat de mariage respectait les conditions et les piliers du mariage et qu'il était valable, c'est toujours recommandé, hein, de le rendre public pour enlever toute ambiguïté et pour faire en sorte que le mariage ne ressemble pas à ce qui est haram. Donc le fait de le rendre public, c'est quelque chose qui va le distinguer de ce qui est haram. Donc il dit, وَقَوْلُهُ فَلَوْلَا أَنَّهُ مَطْلُوبٌ بِالظَّاهِرِ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ. لولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة, يعني لا يكفي المسلم أن يخالف الكفار في الاعتقاد أو في العمل, بل لا بد من إظهار ذلك في اللباس, فإن العمامة من اللباس, وإذا لبسها على نحو ما يلبسها الكفار فقد تشبه بهم, وإذا لبسها على شكل يخالف ما يشبه الكفار فقد خالفوا وهو أمر, وهذا هو المطلوب في مخالفتهم في الأمور الدينية والدنيوية كعاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qui veut dire Ibn Taymiyyah quand il dit que s'il n'y avait pas, si de les contredire en apparence n'était pas quelque chose qui était exigé, il n'y aurait aucun bienfait de le faire, dans le sens que le musulman ne doit pas se limiter uniquement à contredire les koufars dans la croyance seulement, mais ou bien dans la croyance et l'action, mais il faut aussi qu'il le montre ouvertement. Qu'il le montre ouvertement, dans ses vêtements, dans sa façon de s'habiller, dans même comment il porte son turban. Hein? il doit se distinguer et montrer qu'il est différent des kuffars. Parce que s'il le porte de la même manière que le portent les kuffars, alors dans ce cas-là, il les a imités. Hein? Et s'il les a portés d'une manière qui contredit la façon dont les kuffars le portent, alors il les a contredits. Et c'est ça ce qui est exigé, de les contredire dans les choses qui sont religieuses ou dans les choses de la dunya. Et ça, c'est, il y en a dans leurs traditions et dans leurs coutumes qui leur sont particulières. Il dit ensuite, وقوله لعن صلى الله عليه وسلم المشبهات من النساء بالرجال أي أن من التشبه المحرم تشبه أحد الجنسين بالآخر فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة كأن يتشبه بها في كلامها أو في لباسها ولا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل بكلام الرجال أو لباسهم فمن فعل ذلك من الجنسين فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بل يبقى كل من الصنفين على ما يليق به فالذي يليق بالرجال القوامة والشهامة ومظهر القوة والذي يليق بالنساء التزيين والتبعل للزوج والمقصود أن الله جعل لكل من الرجل والمرأة خصائصهما وجعل لكل منهما مكانة في هذه الحياة فجعل حق القوامة والقيادة للرجال أو للرجل وجعل للمرأة حقها فهي إنسانة ولها حقها ومكانتها ولا يستهان بها والإسلام بين الحقوق والواجبات فإذا تحول كل من الجنسين عن مكانته في المجتمع اختل النظام الأسرة وانقلبت الموازين ونشأت المشاكل. Donc le cheikh il dit, le messager d'Allah, donc le cheikh il cite le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a maudit les femmes qui imitent les hommes et les hommes qui imitent les femmes. C'est-à-dire que ça, c'est une autre parmi les formes de tashabbuh, d'imitation qui est interdite par l'islam. C'est-à-dire qu'un des deux sexes essaie d'imiter l'autre. Il n'est pas permis à l'homme d'essayer d'imiter la femme, et il n'est pas permis à la femme d'imiter l'homme, ni dans la parole, la façon de parler, ni dans la façon de s'habiller. Hein? Et donc, il n'est pas permis à la femme de ressembler ou d'imiter à l'homme dans sa façon de parler et dans ses vêtements, dans sa façon de s'habiller. Et celui qui fait ça, hein, si un des deux sexes imite l'autre, eh bien, il a commis quelque chose qui a été maudit. Hein, il fait partie de qu'est-ce que le prophète Sallam a maudit. Hein, et yani, donc, ils ont la malédiction d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit donc que chaque sexe doit rester selon ce qui lui convient comme attribut, comme caractéristique. Et il ne convient pas à l'homme de ressembler ou d'imiter à la femme, et ni à la femme d'imiter l'homme. L'homme doit rester avec ses caractéristiques de qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-qawama, c'est-à-dire que l'homme c'est lui, yani le sexe fort, c'est lui qui est responsable de la famille, c'est lui le chef de la femme, le chef de la famille, c'est lui qui doit montrer les signes de force, tandis que pour la femme, il y a les signes qui lui conviennent, c'est-à-dire le fait de se parer de parure et de s'embellir et de se faire belle pour son mari, et ainsi de suite. Ça, c'est les caractéristiques qui reviennent à la femme. Bien entendu, c'est pas comme les femmes kuffar, qu'est-ce qu'elles comprennent du fait d'être féminines. Elles comprennent du fait d'être féminines, de s'habiller, d'une manière qui laisse paraître les atours en public ou devant les hommes, hein, et de marcher dehors en exhibant les atours. Et elles pensent que d'être féminine, c'est ça. Non, d'être féminine, c'est pas ça. D'être féminine, c'est d'avoir des caractéristiques qui sont spécifiques aux attributs des femmes. Dans le sens que, dans toute société, de façon générale, les femmes ont toujours eu ces caractéristiques-là. Et si c'est qu'est-ce qui rapporte du fait que la femme, elle s'embellit, elle s'embellit, mais pour son mari. Pas pour tous les hommes qui sont dehors pas pour tous les étrangers dehors dans la rue qui vont la regarder, mais pour ceux qui savent et qui vont apprécier leur charme et leur beauté et leurs atours à leur juste valeur, et non pas pour essayer juste d'en profiter et de façon malhonnête, ou d'abuser, ou d'exploiter, ou de profiter illicitement de ces femmes-là. Donc ça, c'est un point. Et puis, après, le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de l'homme et de la femme des caractéristiques et des rôles qui leur sont spécifiques. Et il a donné à chacun, de l'homme et de la femme, une place et un statut dans cette vie. Et chacun, donc, ils ont des rôles et des tâches qui leur reviennent. Hein? L'homme, lui, c'est le chef de la famille, c'est le chef de la femme. Et la femme, elle, elle a des droits et elle a des obligations et des devoirs aussi. Et elle a sa place et son statut, et elle n'est pas dénigrée. Et c'est ça que les koufars, souvent, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que les koufars, ils disent, en fait, qu'ils ne disent jamais, par exemple, l'homme doit être égal à la femme. Ils disent toujours, la femme doit être égale à l'homme. Pourquoi? Parce que déjà, ils savent en partant que la femme n'est pas égale à l'homme. Mais il n'y a personne parmi les hommes qui disent, nous, on veut être égal à la femme. C'est seulement la femme qui veut être égale à l'homme. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas égale à l'homme. Si la femme et l'homme et la femme étaient déjà, ils étaient tous les deux déjà égaux, donc dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin de dire que la femme a besoin d'être égale à l'homme. Donc ça prouve déjà en partant qu'il y a une inégalité là. Mais cette inégalité, ça ne veut pas dire que la femme, elle est moindre que l'homme nécessairement. Et c'est ça ce que les koufars ne comprennent pas. Parce qu'ils s'imaginent que égal, c'est quelque chose qui... Il y en a comme par exemple, si je vous dis par exemple, cette boîte à lunettes et cette télécommande ne sont pas égales. Est-ce que si je dis que ces deux choses-là ne sont pas égales, est-ce que ça veut dire que l'une ou l'autre est inférieure? Est-ce que ça veut dire que la télécommande est inférieure à la boîte à lunettes? Ou que la boîte à lunettes est inférieure à la télécommande? Non! Mais chacune des deux, elles ont leur rôle, elles ont leur tâche. Ça, c'est pour protéger mes lunettes, et ça, c'est pour, si je veux, appuyer l'interrupteur à distance. Les deux, ils ont leur rôle, les deux, ils ont leur utilité. Mais est-ce que je vais dire qu'un est moins que l'autre? Non. Si je dis, par exemple, une pomme et une orange, c'est deux fruits. Est-ce que la pomme est égale à l'orange? Et est-ce que l'orange est égale à la pomme? Pas nécessairement. Mais est-ce que ça implique une infériorité de l'un des deux? Non plus. En même temps, donc ça c'est pour comprendre que l'homme, il a ses caractéristiques, et Allah l'a créé comme ça, pour une sagesse, hein? Et il a créé la femme différente. Et donc c'est ça de comprendre que le terme, d'utiliser le terme égalité, c'est un terme qui est trompeur. C'est un terme qui est ambigu, équivoque, et qui est imprécis. Et qu'on n'a même pas le droit d'utiliser, parce que, en réalité, il peut pas y avoir d'égalité entre l'homme et la femme. Puisque, déjà, entre les hommes, entre eux, il n'y a pas d'égalité absolue. Et entre les femmes, entre elles, elles sont pas toutes égales non plus. Chaque femme est différente d'une autre. Et chaque homme est différent d'un autre. Hein? Est-ce que, par exemple, nous, est-ce qu'on est égal avec un prophète? Hein? On n'est pas égal avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Est-ce qu'on est égal avec les sahaba? On n'est pas égal avec les sahaba. Hein? Donc c'est pour dire, entre les hommes, on n'est pas tous égaux. Il y a des hommes forts, il y a des hommes faibles, des hommes intelligents, des hommes moins intelligents. Il y a des hommes qui sont gros, il y en a qui sont maigres, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands. Hein? Tu vas mettre, par exemple, quelqu'un qui mesure, je ne sais pas moi, 4 pieds, et tu lui dis, tu vas rentrer dans la NBA pour aller jouer dans l'équipe de football. Tu mesures 4 pieds et l'autre mesure 7 pieds. Alors, est-ce que ça c'est... Tu vas dire que ça c'est de l'égalité? C'est-à-dire, tout le monde a des droits et on est tous égaux et on a tous le droit d'être joueur de basket. Oui, c'est vrai, on a le droit d'être joueur de basket. Mais est-ce que ça c'est juste de mettre quelqu'un de 4 pieds dans une équipe de basketball de la NBA avec des joueurs qui mesurent 7 pieds? Est-ce que ça c'est juste? Donc c'est pour ça que nous on dit tout le temps, il faut faire la différence entre l'égalité et la justice. Et l'islam c'est une religion de justice, non pas une religion d'égalité. Parce que l'égalité, c'est, ça peut être une injustice. Tu donnes à un homme de 4 pieds le droit, tu dis oui, tu as les chances égales de rentrer dans l'équipe. Sauf que, est-ce que c'est juste pour lui? Hein? Peut-être c'est juste si tu dis, le joueur qui a 7 pieds, il doit être dans une chaise roulante pour être plus petit. Parce que sinon, il tend son bras puis il rentre le ballon dans le panier. Hein? Donc ça c'est pas juste pour celui qui a 4 pieds. Donc c'est pour dire, c'est pas toute égalité qui est juste, et c'est pas toute inégalité qui est injuste. Des fois c'est l'égalité qui est une injustice, et parfois c'est l'inégalité qui est juste. Vous allez voir, même des fois dans les Jeux Olympiques, on sépare les femmes et les hommes. On ne fait pas les hommes compétitionner avec les femmes dans les épreuves. Pourquoi? Parce que sinon, ce serait une injustice pour les femmes. Hein? Si on disait non, tout le monde est égal, hein? On va mettre les hommes avec les femmes dans tous les sports, sans exception. Ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste pour les femmes. Hein? Et si il y a certaines épreuves, si... On mettait des hommes avec des femmes, ce serait une injustice pour les hommes, parce qu'ils ne seraient pas capables de compétitionner avec les femmes dans certaines choses. Par exemple, je ne sais pas moi, la nage synchronisée ou bien je ne sais pas quel autre sport. Hein? Il y a des sports qui sont, les femmes sont plus fortes, hein, que les hommes. Donc si tu dis aux hommes, vous allez compétitionner avec les femmes dans ces choses-là, non, on ne serait pas capable. De toute façon... C'est des jeux que les koufars font pour mettre les gens, les hommes, contre les femmes et mettre les femmes contre les hommes. Dans l'islam, l'homme n'est pas un ennemi de la femme et la femme n'est pas un ennemi de l'homme. Dans l'islam, l'homme et la femme sont des alliés. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ. Hein? Elles sont alliées les uns des autres. Ils sont alliés les uns des autres. Les hommes doivent aider et supporter les femmes. Ils sont les chefs des femmes, les responsables des femmes. Allah va leur demander des comptes aux hommes, comment ils se sont occupés des femmes. Est-ce qu'ils ont été justes envers la femme? Est-ce qu'ils l'ont protégée? Et la femme, elle, non. La femme n'est pas responsable de l'homme de la même façon. Mais elle doit quand même aider l'homme et le supporter dans le bien et l'encourager dans le bien et lui ordonner le bien et lui interdire le mal si elle peut. Donc c'est pour ça. Par exemple, l'homme, il est le berger. Hein? Il est comme un berger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oul an ra'iyatihi ». Chacun d'entre vous est un berger et chaque berger est responsable de son troupeau. Donc c'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à l'homme la responsabilité. Et au jour de la résurrection, Allah va demander aux hommes, comment avez-vous traité les femmes? Comment êtes-vous occupé des femmes? Est-ce que vous vous êtes occupé des femmes correctement? Est-ce que vous avez rempli votre obligation de la préserver, de la protéger, de lui ordonner d'obéir à Allah, hein, après vous l'être ordonné à vous-même? Donc tout ça c'est des exemples du rôle et de l'importance que l'homme a. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que la femme est moindre. Mais les koufars, aujourd'hui, ils veulent faire comprendre à la femme que d'être une femme, c'est dévalorisant. Que d'être une mère de famille, c'est dévalorisant. Que d'avoir des enfants, c'est dévalorisant. Que c'est quelque chose qui la rabaisse. Que c'est quelque chose qui fait d'elle une manufacture d'enfants ou une poule pondeuse. Regardez les termes qu'ils emploient pour décrire le fait de mettre un enfant au monde et le fait d'élever une famille. Ils comparent la femme à une poule qui pond des œufs ou bien à une manufacture qui produit des enfants. Subhanallah. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant pour une femme que justement de mettre au monde des enfants qui seront la prochaine génération, qui seront les, la progéniture, et en, ensuite de les éduquer. Hein, de les éduquer et de les élever dans, dans la foi et dans la religion. Donc, tout ça, c'est des choses que les koufars dénigrent, et ils essaient de faire comprendre à la femme que d'être une femme, c'est honteux, ou que c'est dévalorisant, et que les seules choses qui vont donner à la femme son honneur et sa place, c'est qu'elle soit comme l'homme, qu'elle sorte comme l'homme dehors, et qu'elle travaille comme l'homme, et qu'elle, quand elle a des enfants, elle ne s'en occupe pas, elle les laisse à la garderie, hein? Elle part travailler comme l'homme, et elle vit sa vie comme un homme. C'est ça pour les koufars, le vrai rôle que la femme doit avoir. Et c'est pour ça qu'ils veulent tout faire pour dire à la femme, devenez comme des hommes. Même que le gouvernement, subhanallah, même ici par exemple au Canada, au Québec, ils font des brochures pour dire aux femmes, dirigez-vous vers les métiers d'hommes. Hein? Ils sont même encouragés pour aller là-dedans. Et ils sont obligés de faire des brochures pour ça. Pourquoi? Parce que naturellement, dans la fitra de la femme, elle n'a pas de désir, ou elle désire pas de s'en aller dans ce genre de métier-là par elle-même. Ils sont obligés de faire des incitations pour motiver et pousser la femme à s'en aller dans ces métiers-là. Et donc, tu vois que la nature de la femme devient complètement dénaturée. Et les koufars, étant donné qu'ils croient en la théorie de Darwin, et que l'homme vient d'un singe qui a évolué, et que tout ça c'est par hasard, c'est par hasard qu'il y a des hommes et des femmes, il n'y a pas de sagesse derrière ça, c'est par hasard que les femmes sont de telle façon, que les hommes sont de telle façon, que les hommes ont les organes qu'ils ont, et que les femmes ont l'utérus, et qu'ils sont capables d'avoir du lait, parce qu'ils font partie des mammifères, hein? Ils peuvent nourrir leur bébé, hein? Donc ça, tout ça, c'est par hasard, hein? C'est de l'évolution. Donc, subhanallah, à cause de ça, ils disent, si les femmes sont habituées à faire des choses moins physiques, moins fortes, moins dures, c'est à cause des sociétés. C'est les sociétés qui ont imposé ça à l'homme et à la femme. Mais en réalité, non. La femme pourrait être comme un homme, puis l'homme pourrait être comme une femme, mais c'est juste des conventions sociales qui ont été établies par les sociétés, puis on a le droit de les changer, ces conventions-là. L'homme peut rester à la maison, s'occuper des enfants, la femme, elle, peut aller travailler, puis faire d'autres choses. Tout ça, c'est des jeux que les koufars sont en train de faire pour essayer de détruire la famille et de corrompre la société, puis d'égarer les hommes et les femmes pour les amener dans le kufr et dans le shirk, et pour profiter des hommes et des femmes et faire devenir les hommes et les femmes comme des esclaves. C'est ça le but. Donc c'est pour ça que le cheikh il dit ici, hein, il a expliqué que la femme elle a des droits et l'homme il a des droits. La femme a des devoirs et l'homme a des devoirs. Mais il dit, si chacun des sexes essaie de devenir l'autre, eh bien la société devient, le système social et la famille devient complètement détruite, et après les balances deviennent déboussolées, et puis on ne distingue plus après la vérité et le faux. Il dit, « وَهَدَ فِيهِ رَدٌ عَلَى الدَّعْوَى الْقَائِمَةِ الْآنْ بِمُسَاوَةِ الْمَرْأَ بِالرَّجُلِ وهذا أمر مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها فإن الله خلق الرجال للرجولة وخلق النساء للأنوثة وفي بقاء كل من الصنفين على حاله مصلحة للمجتمع فالمساواة بينهما بمعنى أن تقوم المرأة بعمل الرجل وهذا هراء وقال تعالى ليس الذكر وليس الذكر كالأنثى وقال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وقال سبحانه أصطفى البنات على البنين لأنهم ينسبون البنات إلى الله ثم قال ما لكم كيف تحكمون وقال سبحانه وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى فهم ينسبون إلى الله ما لا يرضونه لأنفسهم من البنات فالله منزه عن الولد مطلقا لا البنات ولا البنين ولكن هذا من باب الرد عليهم وبيان أنهم ينتقصون الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, comme je disais tout à l'heure, tout ça ce que j'ai expliqué, ça a rapport avec ça. Il dit, il y a une réfutation dans qu'est-ce que le cheikh a dit, et dans le hadith aussi, de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, de l'appel à l'égalité de l'homme et de la femme. Et ça c'est pour montrer que c'est quelque chose qui est en contradiction avec la nature que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Allah a créé l'homme et la femme sur une fitra. Hein? Mais eux, les koufars, ils veulent changer ça. Allah, il a créé les hommes avec la virilité, il a créé les femmes avec la féminité. Et chacun, il a ses caractéristiques. Maintenant, ils veulent changer ça. Même ils sont en train de dire que un homme peut devenir une femme peut devenir un homme peut se marier avec un homme, une femme peut se marier avec une femme. Donc, il n'y a plus de famille. C'est détruit maintenant. Il n'y a plus d'ordre. Hein? Et ils sont même en train de dire, yani, que aux enfants, même dans les écoles, oui, tu peux. Un homme peut devenir... un homme peut aimer un homme, une femme peut aimer une femme, tu peux te marier avec un homme plus tard. Hein? Et ainsi de suite. Donc, quand on dit, par exemple, que dans l'islam, hein, la femme, elle a une façon de s'habiller, et une façon d'agir, et l'homme, il a une façon de s'habiller, une façon d'agir, le but de séparer entre les deux sexes et de distinguer dans la façon de s'habiller, dans la façon d'agir, dans la façon de parler, c'est pour que ces règles-là soient plus claires et pour qu'il y ait une distinction claire entre le garçon et la femme et la fille depuis l'enfance jusqu'à ce qu'ils deviennent plus vieux pour qu'on puisse distinguer entre les deux et faire comprendre à chacun qu'un garçon et une fille, ce n'est pas la même chose. Hein? Même les petits-enfants, subhanallah, ils ont de l'intelligence et yani, la fitra que Allah a créée en eux, qui fait que même quand ils sont tout petits, hein, 4 ans, 5 ans, ils savent qu'un garçon, ce n'est pas la même chose qu'une fille. Une fille, ce n'est pas la même chose qu'un garçon. Quand ils grandissent, ils le savent. Mais les kuffars, ils essaient de détruire ça chez les enfants maintenant, dans les écoles. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, le verset 36, dans surat Al-Imran, « Laysa dhakaru kal untha » Le mâle n'est pas comme la femelle, le garçon n'est pas comme la fille. Et il décrit les filles, « A woman yunash'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin » Le verset 18 dans surat Al-Zukhruf, « Celle qui est élevée dans les parures » C'est la femme, elle est élevée dans les bijoux, dans les parures, hein, et qui n'est pas capable de s'exprimer clairement dans les débats, dans les arguments. Hein? La plupart des femmes sont comme ça. Et c'est pour dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, il distingue comment la nature de la femme est, comment la nature de l'homme est. Même si tu peux trouver des femmes qui sont très fortes dans les discussions et dans les débats, mais c'est pas la règle générale. Tu vois? Tu peux trouver des femmes beaucoup plus fortes, beaucoup plus fortes physiquement que certains hommes. Tu vas trouver certains hommes qui sont faibles. Et d'autres femmes qui sont vraiment fortes et costauds. Hein? Si cette femme, elle va te pousser, tu vas tomber parce qu'elle est plus forte que certains hommes. Mais c'est une exception parmi les femmes. Donc il ne faut pas prendre une exception puis en faire la règle générale. Comme, yani, c'est pas correct. Et donc le cheikh il dit, ma'alakum kayfata, il mentionne d'autres versets qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas ni de garçon ni de fille. Mais les koufars ont essayé d'attribuer à Allah des filles. Alors qu'eux-mêmes ils détestaient, les mouchriquins détestaient avoir des filles. Quand ils avaient des filles, ils l'enterraient vivante. Et ils attribuaient des filles à Allah en disant que les anges c'est des filles ou que Allah avait des filles ou des fils. Allah subhanahu wa ta'ala, il a renié tout ça et il a mentionné que hein, ces choses-là, c'est faux. Mais tout ça, c'est pour mentionner qu'il y a une distinction. Le verset 34 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd bima faddala Allahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Les hommes sont les responsables et les chefs des femmes. Hein? Le verset, et il y a d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme dans Surat Al-Baqarah, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةِ. C'est-à-dire, les hommes ont les mêmes droits, les femmes ont les mêmes droits et responsabilités que les hommes, mais les hommes ont une supériorité sur elles. وَلِلْرِجَالْ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Ils ont un degré de supériorité au-dessus d'elles. Pourquoi? Parce que l'homme est créé, hein, يعني, et la femme est créée. L'homme, Allah a créé l'homme et la femme, mais il a mis l'homme comme chef de la famille, chef de la femme. Après, le cheikh, il dit وَقَوْلُهُ وَنَفَى الْمُخَنَّثْ. Et on va s'arrêter tout de suite après, j'ai dépassé. Le cheikh dit وَنَفَى الْمُخَنَّثْ لَمَّا كَانَ رَجُلًا مُتَشَبِّهًا. الْمُخَنَّثْ لُغَةً هُوَ مِنَ التَّخَنُّثْ وَهُوَ التَّكَسُّرْ وَالتَّثَنِّي. وَالْمُخَنَّثْ هُوَ الَّذِي يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَى فِي كَلَامِهِ وَمَشْيَتِهِ أو في تصريح شعره ونعومته. والتخنث على قسمين: الأول التخنث الخلقي وهذا لا يلام عليه الإنسان، والثاني التخنث الاختياري وهو يتعمده الرجل من تحويل صفاته الرجولية إلى الأنوثية. إذا كان من النوع الأول وهو التخنث الخلقي، أي نعم، وكان لا شهوة له، فيكون من غير أولي الإربة من الرجال. ولقد تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصنف من الدخول المنازل ورؤية النساء، فلما سمع من أحد المخنثين وصفا دقيقا للمرأة والتشبيب بها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت، وذلك من أجل الاحتياط لحماية الأعراض. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné d'expulser des maisons, de faire sortir des maisons les hommes efféminés, les mukhannathoun. Et al-mukhannath, il explique que c'est quoi, ça veut dire, ça vient de at-takhannuth, qui veut dire le fait d'être efféminé, d'être cassé, hein, d'avoir des attributs féminines. Et al-mukhannath, c'est l'homme qui ressemble aux femmes dans la façon de parler, dans la façon de marcher, dans la façon de peigner ses cheveux, hein, dans ses caractéristiques féminines. Et il dit qu'il y a deux sortes de takhannuth. Il y a deux catégories de takhannuth, c'est-à-dire de façon de ressembler, que les hommes ressemblent à des femmes. Il y en a deux catégories. La première catégorie, c'est at-takhannuth al-khalqi, c'est-à-dire c'est l'homme qui a été créé comme ça, c'est-à-dire il a été créé efféminé. C'est pas lui qui a choisi d'être comme ça. Et l'autre catégorie, c'est at-takhannuth al-ikhtiyari, c'est-à-dire celui qui le fait volontairement, c'est-à-dire qu'il se force à essayer d'avoir des manières féminines ou efféminées. Et il dit, la première catégorie, elle n'est pas blâmée. La première catégorie, elle n'est pas blâmée. C'est la catégorie des hommes qui sont créés comme ça. Ils sont créés comme des femmes. Ils ont des caractéristiques féminines. Ceux-là ne sont pas blâmés pour ça. Mais certains ulama ont dit que malgré tout, il doit essayer de se forcer à ne pas avoir ces caractéristiques-là s'il est capable. Et si c'est trop difficile pour lui, dans ce cas-là, il n'est pas blâmé. Tandis que l'autre, celui qui fait exprès, il essaie d'adopter des caractéristiques ou des comportements ou des façons de parler qui sont des comportements de femmes ou des façons de s'habiller comme les femmes ou ainsi de suite. Et ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est interdit. Donc la première catégorie, celle qui est créée comme ça, si la personne est créée comme ça puis elle n'avait pas aucun désir pour les femmes, ils étaient considérés comme les hommes qui n'ont pas de désir sexuel ou d'attirance sexuelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait permis à ces hommes là au début de rentrer parmi les femmes et de voir les femmes. Mais lorsqu'il a entendu un d'entre eux décrire à un autre homme la façon comment une femme était physiquement, il l'a décrit à un autre homme. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ça, il les a fait sortir des maisons. Parce que il y a un de ces mukhannathin qui a dit par exemple à un homme, si tu vas par exemple, parce qu'il s'en allait dans une autre ville pour faire une guerre, il dit, si tu vois les femmes ou les filles de telle personne, ces femmes ou ces filles sont de telle description puis de telle description, et il les a décrites physiquement, hein? Donc yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit à partir de maintenant, vous ne pouvez plus entrer chez les femmes. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus rentrer, même si c'est des mukhannathin, vous ne pouvez plus rentrer chez les femmes. Il dit, wal maqsoud annahu la yutasahal fi idkhal ar-rajul al-ajnabi al-manzil hatta walaw kana mukhannathan. Donc c'est, le but c'est de préserver l'honneur, hein, et pour prendre des précautions pour éviter des problèmes. Donc on ne doit pas être, disons, on ne doit pas se laisser aller à rentrer des hommes étrangers dans nos maisons, même si c'est des hommes efféminés, de cette façon. Il dit وَيَكُونُ مَعَ الْإِنَاثِ إِلَّا الْإِنَاثِ. Donc dans les endroits où les femmes sont dans la maison, il n'y a pas d'hommes qui doivent rentrer, except, c'est seulement des femmes qui doivent rentrer avec les femmes. Il dit وَإِذَا كَانَ هَذَا الْمُخَنَّثِ أو هذا في إذا كان هذا في المخنثين بحيث يخرجون من البيوت فكيف بالرجال الأجانب يدخلون على النساء ويخلون بهن في مكتب أو في بيت أو في أي مكان. Donc si c'est le cas des hommes efféminés qui étaient expulsés des maisons, alors que dire des hommes étrangers qui rentrent chez les femmes ou qui sont avec des femmes, tout seuls avec des femmes dans un bureau ou à la maison ou dans un endroit quelconque. Il dit ça c'est encore plus dangereux et encore plus grave. Il dit وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَلَى رَجُلٌ بِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمْ الشَّيْطَانِ. Donc il n'y a pas un homme qui reste seul avec une femme dans une pièce excepté que le shaitan est le troisième. Hein? Donc ça c'est pour montrer le danger. Il dit فالحاصل أنه يجب عدم الاختلاط بين الرجال والنساء سواء كان ذلك في البيوت أو في السيارات. Hein? وأقصد بذلك أن لا يكون في السيارة إلا رجل وامرأة أما إذا كان جماعة فإنها قد زالت الخلوة مع لزوم تحجب النساء وجلوسهن على حدة دون أدنى اختلاط بالمجالسات أو المماسة. Donc le cheikh il dit donc il est obligatoire qu'il n'y ait pas de mixité entre les hommes et les femmes, peu importe que ce soit dans les maisons ou dans les voitures. Il dit, je veux dire par là que dans la voiture, il ne doit pas y avoir un seul homme avec une seule femme étrangère. Hein? Si c'est un groupe de femmes avec un homme, ça c'est pas pareil. Mais il faut bien entendu que les femmes soient voilées et qu'elles s'assoient, il n'y en a pas à côté des hommes, pour qu'elles soient mélangées. Elles doivent s'asseoir en arrière ou bien ailleurs, et qu'elles ne doivent pas se toucher ou être assises ensemble. Il dit قد يقول البعض من دعاة الصفور والاختلاط أنهم أنتم تتهمون البنات أين الثقة. Il dit, il y a certaines personnes qui appellent les femmes à se dévoiler puis à se mélanger avec les hommes. Ils disent, vous êtes en train d'accuser les femmes. Hein? Et où est-ce qu'elle est la confiance? C'est toujours ça, les gens qui veulent la fitna, ils sont toujours en train de dire, oh mais non, nous, on se fait confiance, on a confiance en nos garçons et en nos filles, et on sait très bien qu'ils sont corrects, donc ils peuvent se mélanger. On est des adultes, hein? Il y en a, Tariq Ramadan, il disait ça. On est des adultes, il n'y a pas de danger, hein? On ne va pas se sauter, hein, l'un sur l'autre ou faire des choses haram. On est des adultes, hein? Donc on est assez adultes pour avoir des relations mixtes entre hommes et femmes. Dans une autre cassette, Tariq Ramadan, il dit, ça fait 5 ans, hein? Il dit, tu vas chez quelqu'un, ça fait 5 ans que tu travailles avec lui dans la da'wah. Et il te laisse pas voir sa femme. Il dit, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on travaille dans la da'wa, et puis je peux pas voir ta femme. Il dit, pourquoi je peux pas voir ta femme? Alors, il s'indigne, hein, il s'indigne de ne pas pouvoir voir la femme de ses amis ou de ceux qui, avec qui il, soi-disant, travaille dans la da'wa. A'udhu billah. Donc, ça c'est la fitna, les gens de la fitna. Et donc, le cheikh, il répond à ça. إذ نقول لهؤلاء الأنبياء كانوا يحذرون من الفتنة وأنتم تعلمون ما جرى في حق يوسف عليه السلام وهو نبي الله لما أجبره سيده لأنه صار مملوكا له على أن يخدم في البيت فحدث ما حدث ومما قصه الله من أذية يوسف وحكايته علينا في كتابه من من هم امرأة العزيز ونفوره منها واستعاذته بالله عز وجل وقد أمده الله بالعون والعصمة وحماه منها ثم أظهر براءته وعلانية في النهاية نعم فالمقصود أن الاختلاط خطره عظيم حتى ولو كان الرجل تقيا فإنه قد يقع في الفاحشة وفي أقل الأحوال فإنه يتأذى بذلك. Donc ça c'est la fin de ce passage et on va s'arrêter avec ça. On va juste le traduire puis on va s'arrêter avec ce passage là en réponse à ceux qui appellent à la fitna parmi les jeunes et parmi les musulmans. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit les prophètes ils avertissaient contre la fitna et la tentation et les désirs. Et vous savez ce qui est arrivé à propos de Youssef alayhi salam, hein? C'est un prophète d'Allah. Et lorsque son maître, hein, alors qu'il était esclave, il lui a ordonné de travailler dans la maison, il est arrivé ce qui est arrivé, hein, avec l'épouse de son maître, hein, qui essayait de le forcer, hein, à faire qu'est-ce qui est haram. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a supporté, il l'a aidé, il l'a protégé, et finalement à la fin elle a avoué son innocence. Mais tout ça c'est pour dire que les résultats de la mixité et que les hommes et les femmes soient ensemble ou qu'ils travaillent dans des endroits mixtes et qu'ils soient isolés les uns avec les autres. Donc tout ça c'est pour montrer le danger de ça. Même si l'homme est un homme pieux, il peut tomber dans la perversité, dans le péché. Yani, subhanallah. Yani, une fois, je me rappelle, il y a une femme qui est venue pour se plaindre à la mosquée. Elle est venue, ben, pas pour se plaindre, mais pour demander conseil, pour demander de l'aide. Elle a dit, ma famille m'a envoyé de mon pays, hein, pour venir étudier ici. Hein, et mon cousin, hein, il était ici lui aussi, donc j'ai habité avec mon cousin. Et c'est, yani, du fait que c'est quelqu'un d'une bonne famille, hein, eux ils disent bon, c'est ton cousin, il est d'une bonne famille, il va te respecter, il va pas faire rien de haram avec toi. Et toi, t'es une jeune fille, donc t'es une fille de bonne famille aussi, t'es bien élevée, donc tu vas pas tomber dans le péché. Qu'est-ce qu'on a appris? Elle est tombée enceinte. Et elle ne peut pas le dire à sa famille, parce que sinon ça va paraître mal. Toutes sortes d'histoires. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que leurs enfants sont infaillibles. Ils pensent que leurs enfants sont parfaits et qu'ils sont protégés du péché, comme si, subhanallah, comment ils peuvent s'imaginer que le shaitan ne peut pas tromper ou les faire tomber dans la tentation? Donc ça c'est l'égarement, ça, de penser qu'on est à l'abri, hein, de ce genre de péché là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et il reste un cours pour terminer le volume 1. Le prochain cours ce sera inshallah la fin du premier volume. Donc on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.